comme V. Il y avait Natoxy. Tout bas ici contre le gal. Jeune fond, fais ça bliquitac. Bliquitac, tac, bliquit, bliquitac. En mode go, kaka, tibé. Jeune fond, fais ça bliquitac. Bliquitac, bliquit, bliquitac. Bliquitac, tac, bliquit, bliquitac. Bubble, bubble, bubble, bubble. Jeune fond, fais ça bliquitac. Bliquitac, bliquit, bliquitac. Bliggy tac tac, bliggy bliggy tac, bubble bubble bubble. Matrix c'est poum poum, toute bagaille qui a fait carré. Je veux qu'on foute une jouvence, la Jacob, j'ai le doigtier. Suis et fais son en l'air, en basse panique sans pour souffler. Oui, l'homme fait fréquent, yo classement, oui, mon premier. Tabodo boum, bam, pété dado. Brenayant tout sens, brenayant tout sens. Boum, bam, pété dado. Brenayant tout sens, brenayant tout sens. Bliggy tac, fais ça bliggy tac. Bliggy tac, bliggy bliggy tac. Bliggy tac tac, bliggy bliggy tac. Bubble bubble bubble bubble. Jeune femme, fais ça bliggy tac. Bliggy tac, bliggy bliggy tac. Bliggy tac tac, bliggy bliggy tac. Bubble bubble bubble. Dis-leur mais what, t'es fait sans lait qu'on donne. Pas besoin de présence, excuse-moi, c'est dans tous les sens. Sans toi, oui, je mets le feu, appelle-moi un pyroman. Amisé, corgal, pani manigance. Fais mon dos, tic tac, boum. Brenayant tout sens, brenayant tout sens. Tic tac tac, boum. Brenayant tout sens, brenayant tout sens. Jeune femme, fais ça bliggy tac. Bliggy tac, bliggy bliggy tac. Bliggy tac tac, bliggy bliggy tac. Bubble bubble bubble bubble. Jeune femme, fais ça bliggy tac. Bliggy tac, bliggy bliggy tac. Bliggy tac tac, bliggy bliggy tac. Bubble bubble bubble. L'homme V. Et puis un réel big up à Natoxy et puis digital. What's up, hein? Tout bas ici contrôle. En V. Fait.